Donc ici, al-ma'na thumma stawa, ليس المعنى هو استواء. لكن القسط التام, c'est-à-dire il a voulu parfaire sa religion. Va mettre de l'eau sur ta tête. Khadim, va mettre de l'eau sur ta tête. طيب. وهو بكل شيء عليم. Et Allah Azza wa Jalla est capable et savant sur toute chose. Min al-fawa'id, il y a ce bienfait qu'Allah Azza wa Jalla, ce repos du cœur qu'Allah Azza wa Jalla a fait, c'est qu'on n'a pas besoin de créer nous-mêmes notre subsistance ou de créer nous-mêmes ce avec quoi on veut vivre. Hein? Allah Azza wa Jalla a déjà tout mis sur la terre. Tu as juste à aller chercher ta subsistance et à faire la cause. Hein? Et qu'Allah Jalla wa Ala a créé tout cela pour toi. Wa min al-fawa'id, an al-asl fi kulli ma fil ard al-hill. La preuve, ici on a la preuve que la base dans tout ce qui se trouve sur terre, c'est que la chose elle est halal, jusqu'à preuve du contraire. Hein? Tout ce qu'il y a dans la dunya, dans cette vie d'ici-bas, dans cette dunya sur terre que l'on trouve, il est halal jusqu'à preuve de contraire. Wa min al-fawahid hada dalil ala al-umum, yaqul Allah ta'ala jami'an. Et ici tout le monde est concerné puisque Allah Azza wa Jalla a dit jami'an. Alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. À vous tous. Donc ici c'est une généralité. Wa minha ithbat afhal Allah jalla wa ala. Wa yafhalu ma yasha. Yaqul Allah Azza wa Jalla thumma istawa ila as-sama'. Istawa huwa fi'l. Ma huwa jalla wa ala yafhalu ma yasha. On a la preuve que Allah Azza wa Jal fait. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a dit, hein, il a parfait son thumma stawa, stawa huwa fi'al. Le fait qu'Allah Azza wa Jal fait, il a voulu parfaire sa création, c'est-à-dire as-sama, sa création ici, parfaire la création du ciel. Ad-dalil ala as-samawat sab'a. Sab'un, c'est-à-dire là on a la preuve qu'on a sept cieux. يقول الله عز وجل سبع سماوات qu'on a sept cieux. C'est bien la preuve qu'on a sept cieux. La preuve aussi qu'Allah عز وجل كمال خلق السماوات, la perfection de la création des cieux. يقول الله جل وعلا فسوهن, il a parfait cette création. Allah عز وجل a parfait cette création, la création des sept cieux. وإثبات عموم علم الله جل وعلا, la preuve que la science d'Allah elle englobe toute chose. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah est savant sur toute chose. Wa hadha dalil ala an nakhsha wa nakhafa min Allah jalla wa ala. C'est aussi la preuve que l'on doit avoir peur d'Allah et le craindre, puisque s'il est savant sur toute chose, alors on a peur de celui qui est savant sur toute chose et on le craint et on a peur de lui, d'Allah tabaraka wa ta'ala. الله تعالى أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.